MC Braco. À bout portant, écoute ça, gros. Ça vient de Poigneux. Par la violence, tard. Ton projet sort dans les bacs, on se fait la bise, c'est la coutume. Okay. Ton projet sort dans les bacs, on se fait la bise, c'est la coutume. Okay. Ton projet sort dans les bacs, on se fait la bise, c'est la coutume. Oula, DJ Manic. Écoute ça, gros. Toujours aussi lourd. Ton projet sort dans les bacs, on se fait la bise, c'est la coutume. Enfant du bitume, faut y croire, sinon tu deviens ridicule. Constamment j'gratte, j'braque, j'braque le MIC, donc gratte. Toi les couilles sur le track, j'fais tourner la rime comme un Mac. J'suis dans le rap game en version craquée. Pourquoi tu cries dans la rue, arrête de te faire remarquer. Tous des cassos, des sales gosses, on rêve de thunes et de gamos. Quoi sérieux, t'as le nouveau Nas, copie-le-moi sur le Arcos. On passe nos journées à glander, à niquer le bénéf au que gré. Chicken curry, supplément, fromage, t'inquiète, check, tu connais. Les keufs tournent autour du quartier, à croire qu'on va s'échapper. Beaucoup d'amis s'en sont sortis, mais plusieurs ont dérapé. On vit de malheur et de bonheur, je veux le rapper de bonheur. J'ai connu trop de potos qui nous ont quittés avant l'heure. C'est le ghetto, roule ton pilon, jamais trop tard pour dire non. Jamais d'accord avec leurs propos comme ce connard de Fillon. Tu sais, refrain, je prends le mic et je te chante ce que je suis. Besoin de me débarrasser de cette envie. Je prends le mic et je te chante ce que je vis. C'est pas trop tard pour en finir. De jour en jour on s'endurcit. C'est pas trop tard pour en J'ai déjà finir. Enregistré dans une chambre dans des caves ou bien des toilettes. Je te le répète, c'est le ghetto, je viens de le sale et pas net. Ici les jeunes sont des petits zizous, les meufs en manque de bisous, les darons blindés de bijoux, les petits frères ont la voix de Picsou. Tout le monde se connaît, on habite dans des apparts collés. On traîne plus trop ensemble, parfois je me dis qu'on a déconné. Fais fumer la chicha, fais fumer la chicha. De la menthe ou double pomme accompagnée d'un verre de Fanta. J'ai attendu personne pour commencer à rapper. À gribouiller ma haine et ma peine sur un bout de papier. On avance en bande en famille, je te mets à la menthe, t'as compris. À ce qui paraît, pour faire du rap, faut faire un stage en zombie. Cousin, c'est le monde à l'envers, plus ils sont jeunes, plus ils sont vulgaires. C'est vrai qu'en tant que petit ref, je prends exemple sur mes grands frères. J'suis pas un gangsta, loin d'être une resta. MC Braco, c'est mon pseudonyme, mais appelle-moi Mohar. Je prends le mic et j'te chante ce que je suis. Besoin de me débarrasser de cette envie. Je prends le mic et j'te chante ce que je vis. C'est pas trop tard pour en finir. On enchaîne ça, gros. DJ Manic.